Les Yoga Sutras de Patanjali. Traduction de Jean Bouchard d'Orval. Chapitre 1. Le Samadhi. Désormais commence la révélation du yoga. Le yoga est la cessation de la fragmentation mentale. La conscience est dès lors établie dans sa nature véritable. Autrement, elle s'identifie à ses formes. La conscience prend 5 formes mentales qui peuvent être porteuses ou non porteuses de souffrance. Ces formes sont la connaissance juste, l'erreur, l'imagination, le sommeil et la mémoire. La connaissance juste nous vient d'une perception directe, d'un raisonnement ou d'un témoignage. L'erreur est une connaissance inexacte, fondée sur une impression trompeuse de la réalité. L'imagination, fondée sur des représentations, n'est qu'échafaudage intellectuel dépourvu de réalité objective. Le sommeil est la forme de conscience fondée sur l'idée de néant. La mémoire est la sauvegarde des impressions recueillies. Par une pratique persistante et avec l'équanimité, nous cessons d'être le jouet de ces formes de conscience. La pratique est l'énergie déployée en vue de maintenir le mental établi. Cette pratique devient fermement enracinée si l'on s'y adonne sans interruption, avec ferveur et dévotion pendant longtemps. L'équanimité est l'état de conscience triomphant de celui qui s'est affranchi des désirs de ce monde et de l'autre. L'équanimité suprême et le détachement face au jeu des énergies fondamentales, lorsque nous connaissons l'esprit. Le discernement de la réalité prend la forme de contemplation d'un objet grossier ou subtil, de béatitude et de sentiment de pure existence. Après l'expérience répétée de l'apaisement mental, un autre état de conscience voit le jour. Il y subsiste des impressions latentes. C'est l'état d'être de ceux qui sont détachés du corps et qui se sont absorbés dans la nature. Pour les autres, cet état vient à maturité à force de foi, d'énergie, de vigilance, de samadhi et d'intelligence. Cet état se manifeste promptement pour ceux qui s'y consacrent avec ardeur. On trouve ici encore des différences selon que nous y consentons un effort faible, moyen ou intense. On y accède aussi par l'abandon au divin. Le divin est cette présence unique, libre de toute souffrance, de toute action, de toute cause et de toute conséquence. En lui s'épanche la source absolue de l'omniscience. Il est au-delà du temps, il est le maître des anciens. On l'évoque par le son sacré Om. Nous devrions répéter le nom du divin et en réaliser l'essence. Alors, la connaissance de l'esprit unique s'épanouit et les obstacles s'évanouissent. Ces obstacles, source de dispersion mentale, sont la maladie, la fatigue, le doute, la tergiversation, la mollesse, l'attachement aux habitudes, l'illusion, le découragement ainsi que l'inconstance. Tout cela engendre de la souffrance, de la frustration, de l'agitation, ainsi qu'une instabilité de la respiration. Nous pouvons y remédier en contemplant souvent un seul objet. Nous purifions le mental en cultivant la bienveillance envers le joyeux, la compassion envers le malheureux, la joie à l'égard de la vertu et l'indifférence à l'égard du vice. Nous y parvenons aussi en expulsant et en retenant ainsi le souffle. Nous pouvons atteindre la stabilité mentale en demeurant parfaitement présent à tout objet dès qu'il se manifeste. Nous y arrivons également en faisant l'expérience de la radieuse lumière intérieure, éternellement libre de douleur. Un autre moyen et de fixer notre attention sur un mental affranchi des désirs. Nous pouvons aussi y arriver par la connaissance du rêve et du sommeil. Nous y arrivons aussi en méditant sur notre objet de prédilection. Le pouvoir du mental établi s'étend de l'infiniment petit jusqu'aux confins de l'infiniment grand. Une fois l'activité mentale calmée, le mental devient comme un cristal pur et prend la couleur de ce en quoi il demeure fondu, qu'il s'agisse de l'observateur, de l'observation ou de l'observer. Dans le premier stade d'absorption mentale, nous contemplons un objet grossier en considérant encore indistinctement son essence, son nom et les pensées qui y sont associées. C'est la contemplation discursive. Au cours du second stade d'absorption, le mental, alors purgé de tout le reste, s'illumine de l'essence seule. C'est la contemplation pure. On explique de même les stades d'absorption discursive et pure quand l'objet de contemplation est une forme pensée. Plus subtil que la forme pensée la plus subtile, l'espace sans forme. Ces états de conscience constituent des samadhis relatifs. À la suite du perfectionnement de l'absorption sur une forme pensée, jaillissent la splendeur et la sérénité dispensées par l'être. Nous découvrons alors la connaissance directe, source de vérité. Cette connaissance est d'une toute autre étoffe que celle acquise par un témoignage ou par un raisonnement, car elle touche directement l'essence du réel. L'impression mentale qui en émerge désamorce les autres impressions. Lorsque même cette impression se dissout à son tour, toutes les impressions se sont résorbées dans le silence. C'est le samadhi absolu.